Ces gens qui restent bien dans la vie. Philippe, attends. Je sais pas ce que je viens de faire. Écoute, écoute ça. Thank you. Internet mal dazu. Bright light one. Okay, Mick. Okay. Je vais partir à... Mais il y a plein de fenêtres ouvertes. Send an SOS to the world. let someone get mine. Yes, but since I walk my dog, I should have known this right from the start. Only hope can keep me together. Love can that someone get mine. I hope that someone get mine. What on this morning? j'arrête mes conneries. Bye bye, à bientôt. Salut Iceman. Salut Iceman, l'homme de la glace. Le glace. Et salut les autres.